tiempo. Sufre mucho de este arrepentimiento. No me digas que se vaya acá. De una pulina y prima. Ambos esos y no hay peor de dos y bolivos. La mi canta. Me van el loco porque te trago que me han engaite. Patino. A los discuita bolivos si fallan a otra tabaja. Con ayo molerino. Candidata por posición. No, no, ma canguila. La voy vive juri de caramo de mamá. La vaculista de amor pesa con gata en su vida. Hasta su que ahora me linda colía nada mismo que son. Si van a ir fuera de no bien. Si andan en el che tu qui panda, patron taxi parisien. Évite ma et mettez ma confiance en un gars. Si c'est ma règle du jeu, pas bolingo yo yangana yo. Les années religion. Gertrude de Anzaka. Yonde assureur, y'a retour de la croissance, un bonheur langaï. You la bol. Ça qui me fait la vie, pension, moi, des comptes final à Malonga. Chérie aux achats, mon langaï, à travers ce vide essayé. Réservé d'eau assurée. Système ferroviaire, système d'irrigation, mon thème. Serge Wello, maman je n'ai bien qu'à baby. Ton côté gouna, fais si volume mon côté gouna. Ah, fais si gouna, fais si volume mon lingui gouna. Mon amour, kushikaza kwa peso kwa pezi na bizu mpona nge kuki mpona nge majori matuna upesi guna upesi guna upesi bolingo upesi guna zai mayamu upesi guna upesi bolingo upesi guna Michel Manga. Swami, Chérie, Ngana ebi nanga ka yo za nzete ambila. Po moto matanga nzete ambila ka spécialiste veli mokati mbila. Na boyo za la simple nzete amanga moto nyo zotwa matagango. Et puis na kitoko no, soki za la dinguma, likolo nzete jamais na ngai na buko na mabanga. Na ngai na matanga nzete yango ata ozalaki na itapo ekauka to pe ya kanga no elongo. Po kitoko no, na bedi sabote na libanga. Et puis na yebi kinzoto ya mama nasaki ya mbongo zaka na kilo moko mepa nanga chéri na maboko nanga mama ozaka no kilo te pe opesaka te kutu mokolo wana na kepa na bino na kuti yo te nazongai nanga na esengo mpo na monaki bilamba no na singa Kaligiliga kina le même jour. Omo na didi kinwani. Na balabala wana kaka utambo na mamu kiyo kaka chacho mbala kashogi. Ya huli kambo veni. Musika mingi to utambo na mamu kaka vote singa. Kala mingi to mamu kaka Serge Kassanda. Maka mabu ipwe ila agamu pao mbuko. Bo komprena kango. Na pezi guna, pezi guna, pezi guna. Ya ni, mdombasi. Sima kute, kote guna. Bana mama. Jamais qu'on foute la ganda ou à moto de boma. Pour souga santé, pour nous à la gare, souga croisée. Et puis pour nani le moto de boma, souga la bandit de boma, et l'eau à l'époque de la gamme, on est comme il est. Maël Chibango, Jimmy Mukelenge, Pomi Fumavouzi, chef d'état-major, Olivier Omi, Bafon Boubino. Mervelle Aïe Ayala Philippe Epekel Yeni Maeshi Gaël Bakemba Bedi Kiala préfère Toulouse Johnny Gato Opol Mukelengi Jaco Old Imbanda Freddy Boula Babi Kousseli Salon Masikini, Schumann, Jean-Jacques Letoile, Maître Tigre, Laetitia Kamandai, Hubert Kachama, Huguette Tanjo,